franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Françoise Sagan, comme une douce tristesse, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Alkemad, réalisée par Benjamin Habitant. C'est l'été, l'été 54, brûlant, la Méditerranée est toute proche. Le temps est long comme suspendu, ce sont les vacances. Cécile a 17 ans, elle ne connaît de l'amour que des baisers, des rendez-vous, des regards perdus. Cet été-là, elle le passe avec son père, veuf et doté d'un goût prononcé pour les amours passagères. Alors ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont heureux. Mais la visite d'une femme vient troubler ce délicieux désordre. Dans la pinède embrasée, entre ombre et lumière, un jeu cruel se prépare. C'est l'été 54 et celui d'un roman, Bonjour Tristesse, l'œuvre d'une inconnue qui fit scandale et devint un best-seller mondial. Françoise Sagan, son auteur, dira « La gloire, je l'ai rencontrée à 18 ans, 188 pages, c'était comme un coup de grisou ». Avec ce livre, elle devient riche et célèbre, le symbole d'une génération désinvolte et libérée. Surnommée par François Mauriac « Le charmant petit monstre », les deux adolescentes, Cécile, l'héroïne du roman, et l'auteur Françoise Cuarez, de son vrai nom, d'état civil, se confondent et les journalistes prêtent à la seconde les excès de la première. Voilà, le mythe Sagan s'installe. Des pièces de théâtre, comme Le Château en Suède en 1960, où il fait beau jour et nuit en 1978. De nombreux romans, bien sûr, ont suivi, comme Aimez-vous Brahms en 59, La Chamade en 65, Des Bleus à l'âme en 72, Le Lit des Fées en 77, ou encore Un orage immobile en 83, et puis Les Faux Fuyants en 1991. Elle écrit beaucoup, mais ses derniers livres n'ont plus le succès espéré. Alors elle dépense aussi beaucoup, et elle doit payer ses dettes, sans compter les fêtes, la démesure, le jeu, les courses et les paradis artificiels. Sagan est d'une extraordinaire générosité. Dans ces dernières années, deux beaux textes, Mon meilleur souvenir chez Gallimard en 85 et Toute ma sympathie chez Julliard en 1993, retracent des amitiés, des fidélités. Sagan écrit et parle de ce qu'elle aime. Adoptant une morale, elle préfère aimer, admirer, célébrer les personnes qu'elle a croisées, accompagnées, avec qui elle a partagé des instants de vie comme Carson McCullers, Sartre, Omar Sharif, Ava Gardner, Orson Welles et François Mitterrand. François Sagan a rédigé elle-même sa rubrique nécrologique dans le dictionnaire des auteurs publié sous la direction de Jérôme Garcin. On peut y lire « Fit son apparition en 1954 avec un mince roman « Bonjour Tristesse » qui fut un scandale mondial ». Sa disparition, avec une vie agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. Françoise Cuarez, dit Sagan, est morte le 24 septembre 2004 à Honfleur, à l'âge de 69 ans. Après la fiction, nous continuerons notre voyage dans le monde de l'écriture et de l'imaginaire autour de Françoise Sagan avec une autre auteure, Anne Berest, qui en 2014, dans son livre « Sagan 1954 », publié aux éditions Stock, rend hommage à l'éternelle jeune romancière et surtout à la femme libre que Sagan a été. Un livre composé de deux vies, deux trajectoires, à la frontière du roman, de la biographie et de l'autofiction. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Sensible. Françoise Sagan, comme une douce tristesse, de Philippe Alkemad. Réalisé par Benjamin Habitant. Ma première rencontre avec Françoise remonte à 1950, au cours Atmer-Prignet, rue de Londres, dans le 8e arrondissement à Paris. Elle devait avoir 15 ans. Comme à son habitude, Françoise était dans la lune. Vers une valeur finale V2. Il est vrai que ces grands hommes voyaient chez les Guermantes la princesse de Parme la princesse de Sagan, que Françoise, entendant toujours parler d'elle, finit par appeler, croyant ce féminin exigé par la grammaire, la Sagante, et bien d'autres. Mais on justifiait leur présence en disant que c'était la famille ou des amis d'enfance qu'on ne pouvait éliminer. Persuadée ou non par les explications que le duc de Guermantes leur avait données sur la singulière maladie de la duchesse de ne pouvoir fréquenter des femmes. Vous êtes avec nous, mademoiselle Quarez ? Pardon ? Je disais, vous êtes avec nous, mademoiselle Quarez ? Oui, madame. Vous en êtes sûre ? Oui, madame. À quoi rêviez-vous ? À rien, madame. Ne me dites pas rien. Vous étiez je ne sais où, je le vois bien. Non, madame, je réfléchissais à ce que vous disiez. Ah, voyez-vous ça. Est-ce si compliqué ? Cela demande une réflexion approfondie, madame. Oh, impertinente, en plus. Non, je vous assure, madame. Eh bien, dans ce cas, venez au tableau, nous allons voir cela. Physiquement, Françoise me ressemblait. Elle avait souvent les cheveux en bataille, nous avons vu le regard gai, libre, mais pourtant sans arrogance. En fait, elle était tout ce que je voulais être. Et puis, élégance suprême, devant les professeurs, elle ne se démontait pas. Sont équivalentes à une évolution globale de T global. Dans ce cas précis, le coefficient multiplicateur associé est donc... En fait, je ne sais pas, madame. C'est M égale V2 sur V1. Ah oui, ouais, bien sûr. Ah, mais c'est quand même pas si compliqué, pourvu que l'on écoute ce que je dis. Et vous pouvez vous rasseoir. Vous n'oublierez pas de me remettre votre devoir vendredi, hein. Sans faute, je compte sur vous. À vendredi, bonne semaine. Que puis-je vous dire d'autre sur Françoise ? Pour moi, elle s'appellera toujours Françoise Quarez. Sagan, son nom de plume, elle l'a trouvé chez Proust. Françoise est née en 1935 à Cajar, dans le Lot. C'est la troisième enfant d'une famille d'industriels aisés. Ses parents ont perdu un enfant en bas âge, Maurice, et puis elle est venue, un peu comme un cadeau. Du coup, on lui passait tous ses caprices. C'est sans doute de là que vient son goût pour la liberté et son insouciance. On peut s'inventer une vie avec cela, une belle vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait au Café Briard, rue de Clichy, lorsqu'on séchait les cours. Tiens, Françoise. Attends-moi. Je te rends ton liste d'histoire. Merci. Ça dit, t'as demain du côté de Saint-Germain ? Demain, il y a piscine. Oh, j'ai oublié la barbe. Je vais hors de la piscine en hiver. Arrête, tu exagères, une fois qu'on est dans l'eau, ça va ? Non, ça va pas, je déteste avoir froid. Et puis l'odeur de l'eau de Javel... Tu sais quoi, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. Madame Duby, c'est mademoiselle Quarez, elle s'est évanouie. Comment ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle est allergique à l'eau de Javel, madame. Elle m'a pourtant rien dit. Ça, je ne sais pas, madame, mais je peux vous dire qu'elle est inconsciente. Oh, mon Dieu. Eh bien, mon petit, ça ne va pas? Répondez. Oh, où suis-je? Vous vous êtes évanouie, mon petit. Oh, c'est l'eau de Javel. Je suis allergique à l'eau de Javel. Vous auriez dû me prévenir. Je vous aurais dispensé de natation. Allez, mademoiselle. Allez vous rhabiller. Allez, aidez-la. Et emmenez-la respirer dehors. C'est ainsi qu'on se retrouvait au café à parler des gens, tout en sirotant du vin cuit. Lui, là. Là, au bout du comptoir. Oui, alors ? Il te parie un Martinique, l'avocat ? Non, il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui aime parler. Tu veux rire ? Regarde comme il se tient, droit comme un piquet. Je suis sûre qu'il est avocat. Ou alors juge. Il a la rigueur des juges, t'assure. Je l'ai déjà vu, ils se ressemblent tous. Crois-moi, si je lui demande, il va me répondre. Sachez, mademoiselle, que je suis inscrit au barreau de Paris depuis près d'un quart de siècle. Je voulais être commissaire, mais en fin de compte, je suis devenu avocat et ne me jugez pas. Non. Moi, je dis qu'il est imprimeur. Ah, ou mieux, luthier. Luthier ? Ben voyons, qu'est-ce qui te fait penser ça ? Depuis quelque temps, lorsque je passe devant sa boutique rue de Rome, je le vois travailler. Ah non, mais ça ne va pas. Là, ma vieille, tu triches, hein. C'est à cette époque que nous avons commencé à aller danser du côté de Saint-Germain-des-Prés. En général, on y allait le samedi ou le dimanche entre 5h et 7h du soir. Mais il nous arrivait aussi de sécher les cours en semaine. Et comme on pouvait s'y attendre, en juin, les résultats scolaires s'en sont ressentis. Navier, c'est une vraie catastrophe. Vas-y, raconte. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour, moi je vais prendre un croque, monsieur. Ben moi aussi, un croque. Deux croques. Et avec ça, de l'eau ? Oui. Et du vin. J'ai soif. Ah bon ? J'ai toujours soif de toute façon. Soif de boire, soif d'apprendre, soif de savoir, soif de soif. On prendra du vin. Du vin, c'est sûr. Oh, ça ne peut pas nous faire de mal. Si tu le dis, du vin alors. Rouge ou blanc ? Rouge ? Oui. Ou non, tenez, vous savez quoi ? On va prendre deux whisky. Ah. Arrête. Oui, oui, deux croques et deux whisky. Bon, je vous apporte ça. T'es folle. On va être rondes comme des queues de pelle. Mais non, pas avec un whisky. Hein. Bon, alors explique. Alors, accroche-toi. Mieux à côté, c'est rien. Vas-y, accouche. Une minute. Bon, alors. J'ai eu droit à Macbeth. Oh, merde. T'imagines ? Et lorsque j'ai entendu le mot Macbeth dans ma tête, ça a été comme un blocage. Rien. Le grand désert. Oh. Et puis, j'ai repensé à cette phrase. Ah, que ne pourrons-nous accomplir, vous et moi, sur ce Duncan sans défense ? Et que ne mettre sur le compte de ces ivres officiers qui pourront porter la faute de notre grande boucherie ? Tu lui as dit ça en anglais ? Ah non, je t'ai dit, j'ai eu comme un blocage. Je le lui ai dit en silence, à la façon d'une pantomime. Je me suis approchée d'elle avec un couteau imaginaire dans la main. Et quand j'ai voulu la poignarder, elle a crié. Du coup, 3 sur 20. Oh, la peau de vache. Je déteste les euros, quels qu'ils soient. Malgré un 17 sur 20 en français, le sujet en était « En quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie ?» Françoise a dû passer par une boîte à bachot avant d'avoir son bac en octobre. Et puis en octobre 52, on s'est inscrite à la Sorbonne, en lettres philo. Je crois que c'est à cette période qu'elle a eu l'idée d'un roman. Jusqu'alors, elle écrivait des histoires dans un petit cahier bleu. Des sornettes, comme elle disait. Elle les écrivait et les réécrivait. Ça a été son galop d'essai, en toute liberté. Oh, je suis claquée, j'ai plus de jambes. Tiens, tu connais ça ? Non ? C'est pas mal. Yes. Bill Haley. C'est chouette. Tu peux me le prêter ? Oui, si tu veux. D'ailleurs, non, je te le donne. Françoise, t'es un amour. Tu as une idée de ce que tu fais pour les vacances ? Je sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de soleil. Peut-être que j'irai dans le Lot. Et toi ? Je crois que je vais accompagner mes parents à Osgore. J'ai besoin de respirer l'air du large. L'océan, la plage, ça me fera du bien. Et puis, je voudrais finir mon roman. Ça y est, tu l'as commencé ? Oui, si on veut. Comment ça, si on veut, tu peux me le montrer ? Non, pas encore. Tu le liras une fois qu'il sera terminé. Ça parle de quoi ? C'est une histoire d'amour, de tromperie, de jalousie et de vengeance. Dans une belle villa, au soleil. Le soleil de la Méditerranée. Pour l'instant, j'ai le nom d'un personnage, Cécile. C'est la narratrice. Pour le reste, ça parle d'innocence, de sensualité aussi. C'est un peu ce que l'on peut vivre chaque jour et que l'on n'ose pas raconter, de peur de choquer. Oui, c'est ça. Lorsque l'on sort de l'enfance et que l'on n'est pas encore vraiment dans l'âge adulte, les rapports amoureux à cette période de la vie et la douce tristesse qui va avec. Adieu, tristesse. Bonjour, tristesse. Bonjour, tristesse. Amour des corps aimables. If you want to be happy and glad you're alive, just take off your shoes and do the real rock drive. Feeling sort of low, bound to get a treat, just slipping and a sliding to a real rock beat. Gone. Till the break of day. It's a real rock drive and they play it in a real gone way. En réalité, Françoise n'avait pas commencé son roman. Elle avait une trame dans sa tête. Et c'était là le plus important. D'en parler comme d'une chose réelle, concrète, la confirmait dans son envie d'écrire. Au début du mois d'août, elle décida de rentrer avec son père sur Paris et s'attela à la tâche. 2 heures par jour d'écriture. Le livre a surgi en 2 mois et demi. Et puis un jour d'octobre, elle m'a donné à lire son roman. Allô ? Françoise ? Ah, c'est toi, salut. Je te réveille ? Je sais pas, quelle heure est-il ? Pas loin de 2 heures. Oh, j'ai dû m'assoupir. Bah, je te savais douée, mais là tu m'épates. Tu l'as lu ? Oui. Qu'en penses-tu ? C'est tout simplement formidable. Ton écriture est juste, c'est comme une musique parfaitement juste. Ça me fait plaisir que tu dis ça. Ma vieille, tu es un écrivain. Merci. Mais ne te réjouis pas trop vite. Comment ça ? Là, maintenant, il faut qu'on s'organise. C'est-à-dire ? Il faut qu'on te trouve un éditeur. Ah oui, oui, je sais, mais je ne vois pas qui peut nous aider. J'ai ma petite idée, fais-moi confiance. Quelque temps auparavant, j'avais rencontré Colette Audry, grâce à sa sœur Jacqueline, et je lui ai parlé du roman de Françoise. Colette était professeure de lettres et écrivait dans la revue Les Temps Modernes. C'était une référence littéraire et j'étais persuadée qu'elle pouvait nous aider dans la recherche d'un éditeur. Que te dire ? Écoute, je trouve le roman passionnant, vraiment de notre époque. En plus, tu donnes à voir une jeunesse qui s'émancipe, mais sans vulgarité ou provocation gratuite. Et j'aime ça. Seule la fin me laisse un peu sceptique. Je trouve que ton histoire gagnerait si tu la rendais un peu plus énigmatique. Je comprends. Je suis assez d'accord. Je changerai la fin du roman. Et pour l'édition, qui pourrait être intéressée ? Ma foi, chez Gallimard, tu risques d'attendre longtemps avant d'être lu. Il y a Flammarion, Calman Lévy, Albin Michel... Ce sont des maisons un peu tristes. Je voudrais une maison qui a ce côté pétillant de la jeunesse. Ah, pourquoi pas Grasset ? Ah non, je leur en veux. Ils ont refusé Proust. Sinon, il y a bien Plon ou Julliard. Julliard ? Ce sont eux qui publient Les Temps Modernes. Ils sont audacieux. En 8 ans, ils ont récolté 8 prix, dont 3 Goncourt. Dès ses débuts en 1922, René Julliard n'a cessé de découvrir de nouveaux auteurs. Il a gardé l'enthousiasme de ses premières années et il a su insuffler à son équipe la rapidité de choix et d'action. Dans les années 50, 4000 manuscrits arrivaient chaque année aux 34 rues de l'université où il avait ses bureaux. Chaque manuscrit passait entre les mains d'un comité de lecture. Les 200 qui étaient dignes d'intérêt finissaient au chevet du lit de René. Sans beaucoup d'hésitation, Françoise décida de déposer un manuscrit chez Plon et un autre chez Julliard. Le soir même, je l'appelais. Allô ? Et alors ? Ça y est, j'ai déposé les 2 manuscrits, le plus simplement du monde. Sur l'enveloppe, j'ai mis mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et ma date de naissance. C'est tout ? Oui. Sans même un petit mot d'accompagnement ? Non, même pas. Tu vois, si ça doit se faire, ça se fera. Un point, c'est tout. Allez à Jacques Taest. Ce même soir, rue de l'université, Pierre Javet, un directeur littéraire de chez Julliard, est intrigué par le jeune âge de l'auteur et lit les 20 premières pages du manuscrit. Il est séduit et il en parle à René Julliard, qui le fait lire sans attendre à François Legris, le lecteur le plus austère de la maison. Sur sa fiche de lecture, Legris écrit « C'est un roman où la vie coule comme de source, dont la psychologie, pour oser qu'elle soit, demeure infaillible car ses 5 personnages sont fortement typés et nous ne les oublierons pas. Bref, aucune fausse note. » Vers 23h, revenant d'un dîner, René Julliard lit le manuscrit. C'est le coup de foudre. À 2h du matin, il fait les 100 pas. Une angoisse le submerge. Et si un autre éditeur la faisait signer avant lui ? Il se décide à envoyer un télégramme. Allô, les télégrammes téléphonés ? Bonjour, madame. Oui, c'est pour Françoise Quarez, 167 boulevard Malesherbes. Le téléphone ? Attendez. Carnot 5981. Oui. Quarez. Quoirez. Oui. Le texte. Vous attend sans faute dans mon bureau à 11h. Signé René Julliard. Julliard avec deux L. Oui, c'est cela. Vous pouvez le relire? C'est parfait. Merci. Et au matin à 11h, dans le bureau de René Julliard. Oui, mademoiselle, j'avais rendez-vous avec une certaine Françoise Quarez à 11h. Il n'y a personne à l'accueil par hasard. Non, c'est ennuyeux. Bon, si elle se présente, vous la faites monter sans faute. Je compte sur vous. Merci. Tu vas voir qu'avec ma chance, Gallimard ou Grasset ont déjà le contrat en poche, bon sang. Oui, mademoiselle, c'est encore moi. Vous pouvez me passer Carnot 5981. Merci, j'attends. Allô? Oui, Carnot 5981. Oui, bonjour, je suis René Julliard, des éditions Julliard. J'avais rendez-vous avec mademoiselle Françoise Quarez. Oui, à mon bureau, rue de l'Université, à 11h. Je lui ai envoyé un télégramme. Ah bon? Comment ça, elle dort? Mais je ne peux pas attendre 14h. Je vous en prie, allez la réveiller. Je comprends bien, mais... Permettez-moi d'insister. Françoise Quarez? Oui, c'est moi. C'est René Julliard. Nous avions rendez-vous à 11h ce matin. N'avez-vous pas reçu mon télégramme? Non. Je suis désolée, je suis rentrée un peu tard hier soir et... Pouvez-vous vous libérer cet après-midi? Oui, je pense, oui. Vers quelle heure? L'heure que vous voudrez. Disons 17h alors? Très bien, je serai là à 17h. Très bien, faites-la entrer. Entrez, entrez. Bonjour, Françoise Quarez. Enchantée, René Julliard. Asseyez-vous. Je vous avouerai que, même si je m'attendais à rencontrer quelqu'un de très jeune, je reste surpris. Vous avez... 18 ans. C'est cela. Alors, racontez-moi, et d'abord présentez-vous. Que vous dire? Ma famille est originaire de Cajar, dans le Lot. C'est là que je suis née en juin 1935. Mmh. Pendant la guerre, nous vivions avec... Et Françoise lui a raconté sa courte vie, sa famille, ses vacances, les années de guerre à Saint-Marcelin dans le Dauphiné, ses études. Au fil de la conversation, René semblait très étonné par son parcours. Ainsi, rien d'autobiographique dans votre récit? Non, rien. Sinon que Cécile, mon héroïne à mon âge, et puis, je crois que je partage avec elle certains goûts, mais là, s'arrête la comparaison. Vous semblez déçu? Pas du tout, au contraire. Vous me rassurez. C'est là la preuve de votre talent de romancière. Vous savez, j'aime écrire. Et j'aime le roman. Et puis, écrire des romans, c'est un peu mentir. Et pour être honnête avec vous, j'aime mentir. Un peu. Et vos parents ont lu le livre? Vous pensez-vous? Mon père a autre chose à faire que de lire ce que j'écris. Et votre mère? Je ne pense pas qu'elle serait emballée par cette histoire. Une dernière chose. Vous êtes mineur, il me faut donc l'autorisation de votre père pour vous publier. Vous le savez? Oui, je le sais bien, mais ce n'est pas un problème. Il ne peut rien me refuser, je vous l'assure. À la bonne heure. Autre chose encore. Je souhaiterais que vous trouviez un nom de plume. Quarez, c'est un patronyme, comment dire, qui n'est pas assez... séduisant? Non, moi je dirais vendeur. Pour ce roman, il faudrait songer à quelque chose de plus claquant. Je vous laisse y réfléchir. Et alors? Dis-moi. C'est oui. Une minute, ma vieille, laisse-moi m'asseoir. D'abord, je vous en remonte. Tu veux un martini? Tu plaisantes? Garçon, de whisky, s'il vous plaît. Vas-y. Si tu me dis pas tout de suite, je crois que je vais flancher, là. Alors, c'est... Oui. Oui. Bravo! C'est formidable, je savais qu'il ne pouvait pas dire non. Et attends la suite. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un chèque. 50 000 francs? C'est juste un avaloir. Je toucherai 8% sur le prix de chaque livre en droit d'auteur. Oh, ça se fête, ça! Et deux whisky pour ces demoiselles. Vous savez quoi? Laissez la bouteille. Non, oh, t'es sûre? Bon, vas-y. Oh. Bonjour Tristesse paraît le 15 mars 1954. Il obtient le prix des critiques décerné par un jury prestigieux composé de Jean Paulhan, Maurice Nadeau, Georges Bataille, Marcel Arlan et Roger Caillois. Immédiatement, c'est le succès. Un an après sa publication, près d'un million d'exemplaires ont été vendus en France et aux États-Unis. Et comme souvent, derrière le succès couve le scandale. Dans la France de René Coty, il ne fait pas bon être une femme libérée. En fait, j'ai été très surprise du scandale que ce livre a suscité. Pour les trois quarts des gens, le scandale de ce roman, c'était qu'une jeune femme puisse coucher avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier. Pour moi, le scandale, dans cette histoire, c'était qu'un personnage puisse amener par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer. Aimez-vous Brahms, la chamade, des bleus à l'âme? Château en Suède, la robe mauve de Valentine, autant de succès. Françoise a vécu une vraie vie de romancière. Son écriture, sensible, subtile, finement ciselée, tout à la fois faite d'innocence et empreinte de remords, restera à jamais comme la marque de son talent, malgré certains échecs, malgré ses excès, malgré les déchirures. Comme une douce tristesse, à l'image des plus grands. Adieu, tristesse. Bonjour, tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère. Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent. Par un sourire. Bonjour, tristesse, amour des corps aimables. Puissance de l'amour. Dont l'aimabilité surgit. Comme un monstre sans corps. Tête désappointée. Tristesse. Beau visage. Affaire sensible. Françoise Sagan, comme une douce tristesse, de Philippe Alquemade. Avec Aurélie Nusillard, Françoise Sagan, Ombeline de la Tessonnière, la narratrice, Bernadette Le Sachet, Madame Duby, Sophie Dole, Colette Audry, Bernard Gabé, René Julliard, Mathias Simon, le garçon de café. Et avec Mélissa Barbeau, Jeanne Lepers et Henri-David Cohen. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Sacha Trop. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Benjamin Habitant. Sans vous aimer, sans l'avoir jamais pu, je m'en vais. Oubliez cet été, vous et l'été a jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis. Et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas. aimer, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait. Et dans l'allée, tout l'hiver est revenu. Me fait trop ces brûlures regretter. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi, prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Sans vous aimer, je n'ai jamais rien cru de ces mots, ni de vos lents baisers. Et si jamais votre cœur l'eût voulu, oubliez cet été. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Je ne suis pas quelqu'un de désespéré du tout, je suis intrigué. Oui, gay dans la vie peut-être, mais dans vos romans, il y a quand même il y a une note de désespoir. Ah, bah c'est très connu que les clowns sont tristes et que les gens qui écrivent des livres tristes sont très gays. Non, mais alors pour quelle raison? Est-ce que c'est la hantise de la mort? Est-ce que c'est... Ou c'est... Parce que je trouve strictement dégoûtant de mourir un jour. Ça me dégoûte. Cette idée, je vais mourir un jour, que les gens que j'aime vont mourir un jour, je trouve ça infect. Sincèrement. Je trouve pas ça bien. Pas convenable. On vous met sur la tête avec une machine à penser qui est votre cerveau. On vous donne plein de cadeaux qui sont la vie, les arbres, le soleil, les printemps, les automnes, les autres, les enfants, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez. Et après, on vous dit, ben, on sait qu'un jour, hop, on va vous enlever tout ça. C'est pas gentil. C'est pas bien. C'est pas honnête. Si vous voulez mon avis. Mon désespoir vient de ça en grande partie, enfin, quand j'en ai. Et puis c'est tout. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Françoise Sagan, comme une douce tristesse. Notre invitée, la romancière Anne Dereste. Bonjour Anne Dereste. Bonjour. Alors vous êtes écrivaine, après une décennie dans le monde du théâtre, vous avez publié votre premier roman à l'âge de 30 ans, ça s'appelait La fille de son père, puis Les Patriarches et Sagan 1954. Vous êtes aussi co-auteur du best-seller How to be Parisian Wherever You Are, publié à ce jour en 28 langues, et Recherche Femme Parfaite aux éditions Grasset Fasquelle, ça c'était en 2015, mais c'est bien sûr de Françoise Sagan dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, ma première question portera sur ce couple que vous formez avec Françoise Sagan, ou cette paire. Pourquoi ce livre? Pourquoi cet auteur? Et surtout, pourquoi cette forme roman-autofiction dans laquelle les deux se mêlent et s'entremêlent? Vous avez adopté cette méthode. Alors, ça a été un couple, pour reprendre votre mot, arrangé. Mais vous savez, parfois les couples arrangés fonctionnent très très bien. Puisque c'est le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff, qui m'a demandé d'écrire un livre sur sa mère. Donc en 2014, à l'occasion de l'apparition de l'anniversaire des 60 ans, l'apparition de Bonjour Tristesse, et l'anniversaire des 10 ans de sa mort. Et donc son fils avait envie de faire quelque chose à la mémoire de sa mère, et il avait envie qu'une romancière d'aujourd'hui raconte aux générations d'aujourd'hui pourquoi ce livre a été un tel scandale. Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Pourquoi ce premier roman d'une toute jeune fille, dans la France de 54, et comme une grenade qui va faire trembler la société et les mœurs. Et donc, Pourquoi est-ce qu'il m'a la demandé? C'est parce qu'il avait lu mon précédent roman, parce qu'il a créé un prix, qui s'appelle le prix François Sagan. Et j'avais été finaliste, je n'avais pas gagné le prix. Mais parfois, ne pas gagner, c'est encore mieux. Et il était venu me voir en me disant, voilà, vous n'avez pas gagné, mais moi, votre livre me reste en tête et j'aimerais que vous écriviez ce livre. Et j'étais très étonnée, en même temps extrêmement honorée, puisque évidemment, j'avais lu Bonjour Tristesse. J'avais aussi lu la magnifique biographie de Marie-Dominique Lelièvre. Donc, c'était un auteur qui était dans ma tête. C'est aussi un auteur pour tous les romanciers qui est une sorte de phare. C'est-à-dire que, oh, on se dit, cette jeune fille qui a 17 ans a publié un livre. Bon, c'est trop tard pour nous. On n'aura plus jamais 17 ans, mais c'est extraordinaire. Elle est une figure importante pour les écrivains. Il y a un côté petit génie, quoi. Exactement. Mais petit génie qui a su, malgré tout, faire de sa vie une vie d'écriture. Et donc, voilà, elle est pour les auteurs, et en particulier pour les auteurs femmes, quelqu'un de très important. Donc, j'étais très honorée. Et puis, en même temps, j'étais très effrayée parce que, d'abord, j'avais que 5 mois pour écrire le livre, pour être à temps pour la date anniversaire. Et puis, j'étais effrayée parce qu'il y avait déjà toute une bibliographie très importante sur Sagan. Donc, bien sûr. Il fallait écrire quelque chose. Voilà, écrire quelque chose qui soit intéressant. Et bon, alors j'avais une mission très précise, c'était de raconter, en fait, l'histoire d'un premier roman. Oui. Comment ça se passe. Ce que vous savez aussi, vous, hein, voilà. En tant qu'écrivaine. Exactement. C'est là que ça se rejoint. C'est-à-dire que tous les écrivains ont connu, d'une certaine façon, ce qu'a connu François, c'est-à-dire ce que je décris dans le livre, la peur de déposer son manuscrit, de se demander quand est-ce qu'on va avoir une réponse d'un éditeur, recevoir la réponse d'un éditeur, s'entretenir avec lui, se mettre d'accord sur un titre, sur un pseudonyme, se demander qu'est-ce qui va se passer le jour de la sortie, aller flâner dans les librairies pour voir si son livre est bien mis. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui sont, voilà, en particulier l'histoire de ce manuscrit, mais qui est aussi l'histoire d'un premier roman et dans lequel beaucoup de gens peuvent se retrouver. Alors, quelle est la part de respect des faits et la part de fiction qui donne cette liberté? Comment vous trouvez l'équilibre? Alors, moi, comme j'ai une formation de chercheuse, j'ai voulu être très honnête vis-à-vis du lecteur. Donc, les choses qui sont vraies, qui sont des événements qui sont arrivés exactement comme ça, sont racontées telles quelles dans le livre. Parfois, de temps en temps, je me mets à rêver et à imaginer et me dire, tiens, il serait vraisemblable, entre guillemets, que François Sagan ait vécu ça à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Pendant l'hiver 54, vous souvenez de l'abbé Pierre qui fait son appel, etc. Donc moi, en tant qu'écrivain à ce moment-là, et pas en tant que chercheuse, je me dis, bon, il est sans doute connaissant, sentant François Sagan, elle a sans doute été sensible à l'appel de l'abbé Pierre. Donc j'imagine qu'elle a donné des vêtements, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens cet hiver-là. Mais j'ai l'honnêteté de dire au lecteur, c'est une chose que j'imagine. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais c'est une façon aussi pour le lecteur de revivre une époque, un contexte, et de vivre ce qui s'est passé en 1954. Mais c'est à de très rares moments. Ah, y a un deuxième exemple, oui, que j'aime, oui, bien. Oui. Vous décrivez une scène, très belle d'ailleurs, et étonnante. Alors, Saint-Tropez, vous imaginez François Sagan discutant à la terrasse d'un café avec un Italien, d'accord? Oui. Il parle de cinéma, alors Sagan lui dit s'être ennuyé devant les films de Pasolini, notamment Mamma Roma et Acatone. Oui. Puis la discussion continue, et quand enfin les deux se séparent, l'homme se présente et dit... Il sodo. Oui. Pier Paolo Pasolini. Mais alors ça, je ne l'ai pas imaginé. Ah! Ça? Vous voyez, c'est formidable. Ouais. Ça, c'est vrai. Comment on trie le bon grain du vrai? C'est formidable. Ça, c'est vrai. C'est son fils qui m'a raconté ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. Alors, Bonjour Tristesse. Premier livre écrit donc par une jeune fille. Premiers émois, premier rêve. Il y a dans Bonjour Tristesse comme une urgence et aussi une souffrance, et le titre est emprunté à un poème d'Éluard, c'est ça? Oui. C'est ce que vous ressentez, vous aussi, dans Bonjour Tristesse, urgence, souffrance, ou autre chose? Il y a, dans Bonjour Tristesse, ce qu'on retrouve, en fait, ce qu'on va retrouver dans toute la vie de François Sagan, c'est, je dirais, une forme d'élégance du désespoir. Je crois que c'est une femme qui était beaucoup plus profonde que ce que l'on a voulu parfois garder d'elle. C'est une femme qui avait une grande conscience existentielle du monde, de la condition humaine, mais qui a toujours voulu être élégante. Quand il y a des choses qui arrivent, il faut garder une forme de légèreté vis-à-vis de ses contemporains, vis-à-vis des autres. On ne va pas se mettre à montrer un visage grimaçant, même dans la souffrance. Et Dieu sait que Françoise Sagan a souffert. Elle a souffert physiquement à cause de l'accident de voiture qu'elle a eu, qui a été terrible. Elle a été traversée par des drames dans sa vie, et pourtant elle gardait ce sourire et cette joie. Et c'est ce qu'on retrouve dans ses livres et dans sa vie. Est-ce qu'il y a une élégance du désespoir, quand on l'a entendu tout à l'heure dans l'archive, par rapport à la vie, la mort, la vie, c'est beau, les saisons, puis un jour, maintenant c'est fini. Mais même lorsqu'elle répond et qu'elle dit, je n'ai pas envie de mourir, même cela, c'est élégant, parce qu'elle va avoir une sorte de façon un peu drôle d'avoir une réponse dans laquelle tout le monde va se retrouver, alors que c'était une femme qui était traversée par des choses terribles, en vérité. Anne Berest, on va se retrouver dans 3 minutes et on va continuer de parler à la fois de Françoise Sagan, de votre livre, et on arrivera, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, l'épisode du premier livre. Ça, c'est fascinant. Comme je suis l'homme élégant, pour conduire, je mets les gants dans les bolides extravagants de Françoise Sagan. Dans ses romans, dans ses nouvelles, cette dame demoiselle mêle de jolies mélancolies frêles, et je chante ma ritournelle à la gloire d'elle. Bonjour, tristesse. La chamade, la laisse de guerre, lasse. Aimez-vous Brahms, voyez le bonheur comme il passe. Allons voir ce qui le remplace au Bristol Palace, au Blackjack, au chemin de fer, autour de passe-passe. Les jeunes filles un peu coquines, que des messieurs plus âgés taquinent, au bord de très jolies piscines, dans les Jaguars sublimes et les Aston Martin. Bonjour, tristesse. La chamade, la laisse. Il fait beau jour et nuit, le cheval évanoui. Que l'amour c'est du chinois, les dames et leurs jolis minois, les messieurs aussi se noient dans le whisky, le rêve et l'alcool de noix. Il faut voir ce qu'ils endurent, comme l'amour c'est dur, qui laisse de profondes blessures, dont on parle avec des involtures. Bonjour, tristesse. La chamade, la laisse. Les yeux l'homme élégant, pour conduire, je mets les gants. Bonjour, tristesse. Anne Berest, vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure quand vous évoquiez cet épisode que tous les auteurs connaissent, le premier livre. Alors là, comment ça se passe avec Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, Julliard, un lecteur de chez Julliard, racontez-nous. Évidemment, ça va se passer de façon particulière, parce que ce premier roman est quand même peut-être le premier roman le plus connu dans le monde. Oui. Donc, ça va se passer finalement assez rapidement. Lorsqu'en janvier, Françoise Sagan dépose son manuscrit auprès de 3 éditeurs, le premier qui répond met seulement 11 jours à répondre. Et tous les gens qui ont envoyé des romans par la poste savent que 11 jours, c'est très rapide. C'est juste un miracle. Voilà. Et il faut savoir que René Julliard, lorsqu'il lit le manuscrit après un dîner, il commence à lire, il est un petit peu fatigué, il commence à lire, et il ne va pas lâcher le livre jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, dès le matin, au réveil, il appelle au numéro de téléphone qui est sur le manuscrit. Enfin, le lendemain matin. Il est quand même 10-11 heures quand il appelle. Et là, la dame qui répond dit « Je suis désolée, mais Mademoiselle Quarès dort. » Alors, il faut savoir qu'en 54, une jeune fille qui dort jusqu'à 11 heures du matin, c'est pas courant. Alors, il pense tout de suite qu'il y a un traquenard, qu'en fait, elle dort pas, qu'il se passe quelque chose, qu'on lui ment. Il est tellement fiévreux à l'idée de signer le contrat que, qu'à cela ne tienne, il envoie un télégramme en donnant un rendez-vous dans la journée. Et là, l'entretien a duré 3 heures. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans l'entretien. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est assuré de savoir que c'était bien elle qui avait écrit le livre. Parce que le livre lui semblait tellement profond, tellement justement écrit, tellement beau, qu'il a eu peur que ce soit quelqu'un, un homme, une femme plus âgée, plus mature, qui ait en fait envoyé cette jeune fille comme une sorte de leurre. Donc, au bout de 3 heures, il est sûr. Alors, il lui demande combien elle veut pour son avaloir. Elle donne un chiffre exagérément grand et il lui dit « D'accord, eh bien moi je vous le donne le double. » Donc il avait parié sur un succès formidable. Il le savait. Et il l'a lancé tout de suite, il lui a simplement demandé de changer de nom. Et de alors pourquoi un pseudo. Parce qu'il lui semblait que Quarès n'était pas peut-être suffisamment, n'évoquait pas peut-être suffisamment l'idée d'un auteur. On dit aussi, mais les gens ne sont pas d'accord là-dessus, que c'est les parents de Françoise qui ont aussi demandé à ce que, voilà, elle change de nom pour bien différencier la famille d'elle, son nom en tant qu'écrivain. Sagan, on retrouve du Sagan dans Proust. Voilà, exactement. Ah. C'est dans Proust qu'elle a trouvé son pseudonyme. Elle était une grande lectrice de Proust. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux Sagan chez Proust. Il y a le prince de Sagan et la princesse de Sagan. Oui. Et je trouve que c'est assez joli, l'idée qu'il y ait ces deux personnages et qu'on ne sait pas, au fond, pour lequel elle a choisi. Parce que le prince de Sagan était un dandy un peu voyou. La princesse de Sagan était une femme du monde invitée partout. Et je trouve que ce double masculin-féminin lui convient ça très bien. Ça concentre d'elle, finalement. Voilà. Dites-nous ce qu'on ressent pour son premier roman quand l'éditeur vous dit « c'est OK ». Alors, je ne sais pas si je pose la question à Anne Berest ou à... La mémoire de Françoise Sagan. Alors, Françoise Sagan savait au fond qu'elle serait éditée. Elle pourquoi n'en doutait parce pas. Elle doutait pas d'elle. Elle doutait pas de ce qu'elle avait elle à savait dire. Que sa vie. Elle savait que sa vie serait là-dedans. Elle en avait la conscience. Ah. Et puis il y a une autre chose que je raconte dans le livre, c'est que quelques mois avant d'envoyer le manuscrit, elle avait rencontré une voyante. Et cette voyante lui avait dit :« Vous allez écrire un roman qui va passer les océans. » Et c'est en discutant avec cette voyante qu'elle, ça lui a donné confiance, et qu'elle a sorti le manuscrit qui était commencé dans son tiroir, et qu'elle l'a terminé. Et ça lui a donné une sorte de pensée magique, de force. Au fond, que l'on croit à la voyance ou qu'on n'y croit pas, qu'importe. C'est ce qu'elle a reçu comme message, quoi. Qu'elle a reçu. Ouais. En revanche, ce qu'elle ne savait pas du tout, c'est le succès qu'elle allait avoir. Et puis la trace qu'elle a laissée, qu'elle a et puis laissera le scandale, dans l'histoire. Voilà. Et puis le scandale que ferait le livre, ça, elle était très loin de l'avoir imaginé. À ce stade de notre entretien, je vais me permettre de vous poser une question convenue. Oui. C'est-à-dire que l'autofiction, quand on se met dans la peau d'un autre, on parle aussi de soi en parlant de l'autre, ou de l'autre en parlant de soi, je ne sais pas. Comment on se protège du danger schizophrène, si je puis dire? Alors, moi, c'est ce que je raconte dans le livre, parce que dans le livre, je raconte l'histoire du manuscrit, mais je raconte aussi ce qui m'arrive dans ma vie au moment où j'écris le livre. Et donc, je raconte comment François Sagan m'aide au moment où j'écris le livre, parce qu'il m'arrive une chose un peu triste au moment où j'écris le livre. Et je raconte qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai la sensation de la rencontrer, et elle devient comme une amie. Et cette amie-là me prend par la main et m'enseigne des choses. Elle me dit justement de sourire un peu, que ce qui m'arrive n'est pas si grave, qu'il faut relever la tête, qu'il faut prendre les petites choses comme si elles étaient grandes, les grandes comme si elles étaient petites, qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut continuer à sourire aux gens, qu'il faut mettre, c'est le titre d'un de ses livres, un peu de soleil dans l'eau froide. Et cette femme-là, qui me prend par la main, fait que je vais suivre son sillage. Et je ne vais pas superposer sa vie avec la mienne, mais en revanche, sa vie est devenue un modèle. Justement, parce que vous parlez d'amitié. Ça aurait pu être une amitié, par exemple. Hein. Ben, elle avait aussi des amitiés, évidemment, notamment avec Florence Malraux. C'était important. Comment ils l'ont consommé, cette amitié? Parce que l'amitié, ça se consomme. Hein. Si on est amis, c'est d'abord pour voir les gens, voir et faire des choses avec eux. Florence Malraux, que j'ai eu la chance de rencontrer pour écrire le livre. Françoise et Florence, ce sont ces amitiés dont on dit c'est à la vie, à la mort. Ouais. C'est-à-dire que Florence a toujours soutenu Françoise. Lorsque Françoise a eu envie d'écrire, Florence l'a encouragée. Les amis, ce sont ces êtres dont on se dit que si on ne les avait pas rencontrés, on serait quelqu'un d'autre. Et qui ont réussi à faire ressortir de nous sans doute la meilleure partie de notre être. Et ben, voilà, Florence et Françoise, c'était de cette matière-là. Et de ses amours? Alors, ses amours, je n'en parle pas dans le livre. Mais là, c'est pour ça que je vous pose la question aussi. À l'époque où elle écrit le livre, elle a un amoureux qui s'appelle Winneton, mais c'est épistolaire parce qu'il vit à Grenoble, je crois. Donc, ça, c'est voilà. Les amours de Françoise, ça commence après 54. À l'époque du livre, elle est encore une jeune fille assez rangée. Là, je la croque à un moment donné de sa vie où elle est vraiment dans la bascule entre la jeune fille et la jeune femme. Donc, ces époques de la vie dont on se souvient où l'amitié est encore plus forte que l'amour, où on peut avoir le cœur brisé par amitié plus que par amour. Alors, la période de la jeune fille rangée, après il y a la jeune fille dérangée, quelque part. Oui, dérangée pour la société. Oui, bah justement, elle était critiquée, hein, sa légèreté, son mode de vie, ses livres, bien sûr, et puis aussi certaines substances qu'elle prenait. Je vais citer une phrase prise dans votre livre, d'ailleurs, du critique Etiamble, qui résume bien cet état d'esprit. Il disait, les deux mots de notre époque, c'est le Coca-Cola et François Sagan. Donc, vous vous rendez compte de la violence que bien ça sûr, peut être. Bien sûr, c'est pour ça que je cite. Quand on est une jeune fille, une jeune femme, qu'on a écrit un roman et qu'on lit, qu'on est un mot, un mal de l'époque... ce qu'elle disait, c'est que, au fond, elle a été très critiquée dans son livre pour deux choses. D'abord parce que elle osait dire qu'une jeune fille pouvait faire l'amour sans être amoureuse. Et puis, elle disait parce que mon héroïne n'est pas punie. C'est-à-dire qu'elle fait l'amour avec ce garçon et elle n'est pas punie, c'est-à-dire qu'elle n'est ni obligée de se marier alors qu'elle n'en a pas envie. Et puis elle ne tombe pas enceinte, elle n'est pas punie par la liberté de son désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle écrit le livre, Françoise Sagan ne sait pas, ne se rend pas compte. Elle ne veut pas être provocatrice quand elle l'écrit. Elle n'a pas conscience. Elle n'en est que plus sincère, oui, tant mieux. Oui. Toute dernière chose. Quelle place elle tient dans notre histoire littéraire française contemporaine? Alors évidemment, il y a la place de ce livre, qui est un moment dans l'histoire, qui est un scandale, qui est en même temps aussi une libération pour beaucoup de jeunes femmes. Je crois aussi que toute son œuvre tient une place importante, mais qu'il a fallu un peu de temps pour qu'on se défasse un peu de l'a priori qu'on avait d'elle, surtout à la fin de sa vie. Mais voilà, il faut du temps pour que aussi les cycles passent et qu'on se rende compte aujourd'hui que ce style-là, qui semble léger, était véritablement un style important. De la même façon que parfois on a envie d'écouter du Wagner, parfois on a envie d'écouter de la musique de chambre, mais c'est sans doute aussi difficile d'écrire une grande composition de musique de chambre que d'écrire du Wagner. Enfin, bon, là je m'aventure, je ne connais rien à la musique. C'était une grande écrivaine, une grande auteure. Comment vous dites-vous d'ailleurs? Moi je préfère écrivain. Écrivain, même pour une femme? Oui, j'ai peut-être tort. Hein, peut-être. Ouais. Bon, enfin, peu importe. Ouais. En tout cas, merci. Merci infiniment, Anne Berest. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, François Sagan, comme une douce tristesse. Une fiction écrite par Philippe Alquémade, réalisée par Benjamin Habitant et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Bruno Poncelet.